J'ai cru que le printemps viendrait nous ramener les douces joies d'antan. Mais la morte saison n'en finit pas de jouer les dures prolongations. La bise rassurante devint un vent glacial qui nos amants sanglante. Tu sais, je boirai bien encore de ton amour, encore de notre vin. Nos cœurs ont tourbillonné dans un flot de liberté pour une éternité. Le vent s'est mis à souffler sur nos bouches égarées au point de les gercer. Je n'ai pas le courage de lever l'ancre sans toi, je cours à mon naufrage. Quand bien même j'irai conquérir d'autres cœurs, c'est toi que j'y verrai. La brume s'épaissit autour des souvenirs, ne reste que nos écrits. Dis-moi, qu'avons-nous fait de plus terrible que faire ce que nous avons fait? Le vent des premiers étés au monde d'or nous a porté les ailes déployées. Le temps a tiré les traits de nos âmes enlacées. Il est temps de quitter.